Marc chapitre 3. Puis il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, et te plaça au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de sabbat, ou de faire du mal, de sauver une personne, ou de la tuer ?» Mais ils se turent. Alors, les regardant de tous côtés avec indignation, et étant tout ensemble affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Alors les pharisiens étant sortis, ils consultèrent contre lui, avec les hérodiens, comment ils feraient pour le perdre. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et d'Idumée, et de delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu les grandes choses qu'il faisait, vinrent vers lui en grand nombre. Et il dit à ses disciples, qu'une petite nacelle ne bougea point de là pour le servir, à cause des troupes, afin qu'elles ne le pressassent point. Car il en avait guéri beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau, se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient, en disant, « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait, avec de grandes menaces, de le faire connaître. Puis il monta sur une montagne, et appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Et il en ordonna 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et afin qu'ils eussent la puissance de guérir les maladies, et de chasser les démons hors des possédés. Et ce sont ici les noms de ces 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, et Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui veut dire, fils de tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui même le trahit. Puis ils vinrent en la maison, et il s'y assembla encore une si grande multitude, qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et quand ses parents eurent entendu cela, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il était hors du sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il a Béelzébul, et il chasse les démons par le prince des démons. » Mais Jésus les ayant appelés, leur dit par des similitudes, « Comment Satan peut-il chasser Satan dehors ? Car si un royaume est divisé contre soi-même, ce royaume-là ne peut point subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut point subsister. Si donc Satan s'élève contre lui-même, et est divisé, il ne peut point se soutenir, mais il tend à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, et piller son bien, si auparavant il n'a lié l'homme fort, mais alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis, que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, et aussi toutes sortes de blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit, n'aura jamais de pardon, mais il sera soumis à une condamnation éternelle. Or c'était parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit immonde. Sur cela ses frères et sa mère arrivèrent là, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler, et la multitude était assise autour de lui. Et on lui dit, voilà ta mère et tes frères là dehors, qui te demandent. Mais il leur répondit, en disant, qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et après avoir regardé de tous côtés, ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. »